rest of the world, with whom I've crossed another quarreled. Laisse-toi tomber pour mieux renaître et être aimé. Tu cherches l'histoire à sauver sans plus chercher à t'excuser. Beneath the silver moon, maybe you were right, but baby I was lonely. Quand ton cœur éclate, laisse le destin listen.